êtes dans aujourd'hui à Assemblage requis. On sent Maxime Lamy-Laramé qui nous parle de musique à télécharger. On rit un peu avec les gars de Fidon là dans la question. Et toujours les capsules de Régis Solery. C'est Assemblage requis et ça commence tout de suite. Hein? Hey, bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Mon nom est Mathieu Plante. Et moi c'est Kiwan, et puis bonjour Mathieu. Bonjour Kiwan. C'est la réponse que t'attendais, bonjour Kiwan. T'es fin aujourd'hui en tout cas, t'es bien habillé. Ben non, mais j'avais plus pas le choix d'être fin là, parce que hier j'étais pas là. Ben c'est vrai, donc je t'ai remplacé tout seul, en fait j'ai animé ça. Ben bien. Oui, merci Mathieu, c'est gentil. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait beaucoup de bien ce petit congé-là, j'en avais vraiment besoin. Bon, tu vois, moi je ne suis que de générosité. Comme mon deuxième nom, Mathieu Générosité Plante. Ouais. C'est connu. Aujourd'hui, dans Assemblage requis, on va recevoir Maxime Lamy-Laramé, comme à chaque jeudi, pour faire le tour des suggestions musicales, donc de la musique à télécharger, que ce soit sur iTunes, légalement, que ce soit de façon un petit peu moins légale, que vous payez, payez en sexe, peu importe. Il y a un échange de choses là-dedans, puis à un moment donné, nouvelle musique contre quelque chose. Ben, je pense que le thème, c'est surtout faire des découvertes musicales. C'est ça que Maxime vient nous proposer. Même, c'est pas mal plus simple. Hein? On va aussi continuer la série de Régis Solery sur le diable dans tous ses états. On en passe deux par jour, à chaque jour jusqu'à vendredi. Hein? C'est le dernier jour de la semaine avant l'Halloween pour nous ici, assez fou. Donc il en reste pas beaucoup dans cette série, le diable dans tous ses états. Puis aussi aujourd'hui, comme à tous les jeudis, dernière journée de la semaine pour Assemblage requis, ben on se paye une petite capsule de Vidon la don la question. Oui, c'est jour de paye, donc on vous paye la traite avec du Vidon la don la question. On est finement mis autres. Ça va être un très beau plan pour l'émission d'aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 17h. Alors, on va commencer ça en musique avec une nouveauté de cette semaine. On en parle, on en fait jouer une fois de temps en temps, même à tous les jours, je pense, depuis le début de la semaine, depuis Gavin Sarah, n'est-ce pas? Presque. Oui, ouais, l'album est sorti cette semaine, c'est vraiment bon. Donc, on écoute tout de suite la pièce Hell de Tegan and Sarah. Et j'entends dire que ça va finir sur le palmarès. T'as entendu ça? J'entends ça, moi. Tellement plugué, Mathieu Plante. Malade. Incroyable. From the heart and the soul of the city. Les Mannequins qu'on vient d'entendre avec la pièce Miss American, c'est dans le palmarès anglophone. C'est une nouvelle entrée, ça, je pense, hein? Oui, c'est une nouvelle entrée la semaine dernière. Et là, on va voir ça monter demain dans les palmarès C'est fou à 17h. Donc, soyez-y si ça vous intéresse, ce genre de choses-là. C'est la numéro 18 la semaine passée en nouvelle entrée. Bon. De toujours Assemblage requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées tout à l'heure. Tout à l'heure, soyez avec nous parce qu'on va rire avec vous dans la question. C'est vrai, ça. Tu sais, il y en a qui écoutent vidéo à la question puis qui disent, tu sais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Et après, ils font comme... Donc, c'est drôle. En tout cas, c'est clair que ça suscite beaucoup d'intérêt, vidéo à la question. Je connais pas grand monde qui ont entendu ça assez fou puis qui se sont pas dit, ah, c'est quoi ça? C'est donc bien bon. Ça peut être vulgaire des fois. Ça peut être inapproprié d'autres fois. C'est pas de l'humour classique. Tant mieux. C'est de l'humour extrême, comme ils disent. L'humour extrême. Ouais. Hey, aujourd'hui, exceptionnellement, étant donné qu'on est dans une semaine d'exception un peu, hein, hier t'étais seul, puis là, ben aujourd'hui, il n'y aura pas de chronique CNX. Non, malheureusement. Malheureusement, mais à la place, il va y avoir plus de musique, donc on va pouvoir se permettre aujourd'hui de passer un petit peu plus de musique. Mais étant donné qu'on est triste de ne pas avoir la chronique CNX. Ouais, triste de ne pas avoir un gros bloc de 15 minutes de moi en train de parler. Donc, ça nous donne un petit peu plus de temps pour la musique. Et puis, ben, on va se taper un petit peu de vieille musique comme ça. J'ai ressorti un vieil album cette semaine que j'écoutais, je sais pas pourquoi. Ça s'appelle parce que c'était bon, j'espère. Ben oui, c'est super bon. Je vais te entendre ça. Tantôt, tu connais pas ça, Mathieu. Les Temps Liquides, c'est un groupe montréalais, un groupe francophone qui fait de l'électro-punk vraiment sale. Puis c'est un album qui a été fait par les disques PAF. Que généralement, j'aime pas ce qui sort de chez PAF. Mais tu vois, qu'est-ce cet album-là. Ben, c'est l'étiquette du volume était au maximum. Ah. Puis le volume était au maximum, je suis capable d'en écouter justement. D'ailleurs, on va en entendre une pièce là tout de suite. Mais tu vois, je trouve que tout ce qui sort d'habitude de chez PAF est un peu formaté au volume était au maximum. Puis je sais pas, je trouve ça un peu ordinaire. Mais cet album-là des Temps Liquides qui s'appelle d'ailleurs, le truc c'est de tout faire à la botch. Donc, c'est peut-être ça le truc pour faire quelque chose de bon qui sortait de chez PAF. Mais bref, on va écouter deux pièces. Des étiquettes PAF. On va commencer avec le volume est au maximum de leur dernier album. Écoutez la pièce l'été dernier. Assemblage requis sur les ondes de C'est fou. Alors, baisse le son! Non. Hein? Baisse le slogan d'une autre radio, mais à l'envers. Ouais. Ah! Baisse le son! Volume est au maximum, c'est le petit basse. Ah, ok, c'est un je pensais que c'était un message pour moi, pour la console. Non, rien, ok. Non. Je pense que je l'ai dit un petit peu à la Bob Dylan un peu. Ouais, c'est vrai. Baisse le son! Ouais, c'est ça. On écoute le volume et au maximum à Assemblage requis. Quand j'étais venu l'été dernier, tout s'est mis à changer. je pense à toi.

l'accusé peut bénéficier d'une forme de clémence, le retentum curiae, qui autorise le bourreau à abréger discrètement ses souffrances, soit en étranglant la condamnée, soit en lui perçant le cœur avec une fourche, soit en lui faisant porter une chemise soufrée qui accélère l'asphyxie. Tout cela, ne l'oublions pas, au nom d'un Dieu de bonté et de miséricorde. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états », présentée par M. Régis Ollery. C'était la 11e capsule de la série Le Diable dans tous ses états. Tantôt, il y en aura une 12e, donc la 2e de la journée. Ce sera la lycanthropie. Et soyez à l'écoute demain soir, vendredi à 20h. Notez bien l'heure, demain, vendredi à 20h, pour l'émission spéciale de réanimation qui va être rediffusée. Donc, ça se passe dans la nuit de demain à samedi, non, si on veut. C'est une émission qui est où était invité Régis Ollery, c'est ça? Absolument, lui-même, le professeur Régis Ollery, qui est une référence du surnaturel de son histoire. L'équipe va explorer les phénomènes de hantise qui provoquent depuis toujours angoisse et questionnement. Donc, soyez-y demain à 20h. Nous, on va en publicité, on revient après avec tout plein d'autres choses amusantes et frivoles, dont Vidons la question et la chronique Télécharge quoi de Maxime le meilleur ami plus tard. Restez là. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. We'll be right back. Client est down to the underground à Assemblage Requis. Juste avant ça, on avait entendu une pièce de Oromocto Diamond. Exactement, qui est dans le Diamond palmarès anglo. Ouais. J'adore ça. C'est quoi qui vient tout juste de jouer? C'est Client. Ah, j'adore ça. C'est un groupe anglais vraiment très, très bon. C'est vraiment mélade. Mélade. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées. Il est Kiwan, je suis Mathieu Plante. Hein? Mm-hmm. Vous savez qui d'autres sont aussi beaux et gentils et sexy? Encore plus que nous autres, en fait. Oui, une coche pas mal. Vraiment? Oui. Ils sont chics. C'est les gars de vidéo dans la question. Mais oui, on en écoute une capsule à tous les jeudis et puis c'est tout de suite qu'on va faire ça. Et si la légende de la chasse-galerie se passait de nos jours? Mais si c'était pas de la crise économique, là, moi, je serais pas ici à changer des tailleurs à Maniwaki un 31 décembre au soir. Ah ben, je te comprends, là. Moi, il me semble, là, j'irais dans un rave à Laval, là. Hey, faire Maniwaki Laval à soir, faudrait-tu s'émotiver, le gros? Il faudrait faire comme dans la légende de la chasse-galerie et faire le trajet en canot volant. Ben oui, faire voler le canot en faisant un pacte avec le yob. Hey, c'était quoi déjà la formule qui résistait de faire voler le canot? Ah, ouais, ah, c'était... Ah oui, c'était... Acabris, Acabras, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes! Colin, Jim, t'as si bien qu'il est en train de s'envoler! Le yob est en train d'exaucer notre souhait! Aïe, aïe, t'es carré, on va pouvoir aller danser à la balle! Ok, embarquez toute la gang! Hey, wow, là, un pack avec le diable, moi j'aime pas ça, ces affaires-là. Il me semble, là, qu'il y a des règles à suivre avant de s'embarquer dans cette histoire-là. Ben non, pense pas à ça, Franco. Maman, papa, regardez, c'est le Père Noël dans le ciel! Hey boy! Pour moi, ces reines étaient sur le Red Bull. Ah, on est arrivé! Ah, nous viens à la balle! Hey, mais j'ai un party, la défonce, man! Mais quelle heure est-il? Oh, mon Dieu, mais il est 5h du matin, vite! Il ne reste seulement qu'une heure pour retourner au garage, sinon le diable va se venger! Hey, les gars, hey, vous clairez pas ça, j'ai dépensé 1000$ de coke! Hey, je suis primé! C'est moi qui chauffe pour revenir au garage! Hey, wow, le quartier est un peu, là! La cabrice, la cabrance, la cabram, fais-nous voyager par de ces montagnes! Olay! Hey, Big, fais attention à mon char quand même, là! Je sais ce que je fais, là! Ça va bien, tout le monde? Hey, on va se mettre un petit peu de musique pour se mettre dedans! Hey, écoutez ça, si Laval est un pays, là, ça serait cette toune-là, le hymne national! Voyons, comment ça que le Père Noël écoute l'hymne national de Laval? Hey, moi, les gars, les yeux me ferment, là. Donnez-moi une autre track que je t'offre, c'est un siège de Calvos. Oh là là, la voiture vient de prendre une embardée. J'attire ce pastillet du sacré, tu te rappelles pas dans les gens de la chasse-galerie? Je t'ai interdit de blasphémer dans le canot, sinon le diable se revenge, hein? Oh, ben, putain, c'est vrai! Oh, ben, excusez! Oh non, on est en train de tomber, on va mourir! Ben non, on va pas mourir, là. Tu te rappelles pas dans les gens de la chasse-galerie? Il s'écrasait dans un banc de neige, puis il s'en sortait. Mais nos joyeux fêtards n'ont pas pensé qu'en 2008, à cause des changements climatiques, il n'y a plus de bancs de neige. Et que contrairement aux canots volants, leur voiture possède un réservoir à essence. On aurait pu se permettre de dire que c'était une capsule classique de Vidéo dans la question, hein? C'est vraiment un classique, celle-là. On l'a entendu quelques fois, mais vraiment indémodable. T'sais, c'est un classique de la tradition québécoise. Absolument. Et les gars de Vidéo dans la question ne font que des capsules classiques et écoutables pour les prochaines décennies. Donc, c'est ce qu'on va faire. On est passé par là 10 ans. Elles sont toujours écoutables, là, côté. Elles sont toujours intemporelles, je veux dire. Mais, tu sais, il y en a qui sont moins écoutables que d'autres. Il y en a qui sont un petit peu plus gênantes à passer en plein après-midi. Ah, d'accord. Mais peut-être qu'on va prendre des risques. J'ai quelques idées en tête, mais tu vois, celle-là est comme familiale. Tu sais, elle s'adresse à tout le monde. OK, fait que tu veux pas que je mentionne précisément laquelle qui pourrait être peut-être indiffusable, mettons. Est-ce que tu voudrais que je mette les mots là-dessus? Crossfit, etc. Non. Ah, ben ouais. Et entre autres, celle-là, je pensais à une autre qui est encore moins diffusable depuis quelques semaines. Mais... Je suis de. Donc. Imagine les mots en P qui sont des parties de l'anatomie féminine. On va entendre une autre capsule jeudi prochain de Vidon Ladon la question. Absolument. Et allez voir vidonladon.com pour plus d'informations sur ces deux drôles d'hurluberlus. Et allez aussi sur myspace.com/vidonladon la question. Mais bref, cherchez et trouvez comme dans les pages jaunes. Exactement. On retourne en musique, Mathieu? Bonne idée, oui. Avec le groupe Spiral Beach. Oui, ils sont toujours dans le palmarès anglophone. Et c'est leur pièce « Mega Round in a Mania ». À Assemblage requis. C'est quand même pas normal. années. Tu ne sois jamais passé à la méthode Coué. Entre ton album en hommage à Barbe Livien et ta reprise d'antisociale avec Muriel Robin cette année, ça va pas se passer comme ça. D'abord t'as un micro ring pour toi. Tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmarella. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te cadre bien. T'espères au moins que sur le refrain c'est toi qui tiens. Mimi Mati parle à ma vie. Cette année, c'est l'année de ta vie. Kidnappé Cabrel, Obispo et Fiori. Avec la moustache, le crâne rasé, l'accent corse. Même Goldman saura enfin qui est le boss. Oui, depuis aujourd'hui, c'est ton année à toi. T'as injecté à Zenati une seringue d'Ebola. T'as offert de l'anthrax à Hélène Segarra. Et s'il faut aller jusque-là, tu partageras la loge d'Elsa. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on t'aime bien. T'espères au moins que sur le refrain, c'est toi. Toi tu files un vrai rancard à ceux qui comme toi ne sont plus rien. Sans actualité, sans médias, sans public, sans rien. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te paye bien. T'espères au moins que sur le refrain à la C'est l'histoire d'une meuf par les Fatal Picard à Assemblage Requis, Kiwan. Oui, juste avant ça, on avait entendu Spiral Beach avec la pièce. Mega Round in a Mania. Spiral Beach, d'ailleurs, si vous allez sur leur MySpace, myspace.com/Spiral Beach, il y a un lien vers le téléchargement de l'album à 10$ seulement. Pas cher pour un aussi bon album. Spiral Beach, j'adore. Très bon. Ouais. Sinon, ben, vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. D'ici la fin de l'émission, on va recevoir Maxime Lemulin-Ramé pour entendre parler de suggestions musicales à se procurer, à se télécharger, à acheter, à échanger. Ouais, ça, c'est vers la fin de l'émission. Et aujourd'hui, je sais que Maxime va nous parler, entre autres, du groupe Hockey, dont on a reçu l'album cette semaine, son nouvel album. Oui, j'ai entendu dire que ça ressemblait un petit peu à Hot Hot Heat, donc ça m'intéresse déjà d'avance. Oui, effectivement. Aussi, il va parler de Coconut Records, qui n'est pas une compagnie de disques, mais qui est bien un groupe. Et d'habitude, il nous amène toujours trois suggestions. La troisième, je pense que c'est une surprise. C'est pas défini encore. C'est un mystère. Exact. Un peu comme Maxime lui-même, hein? Vraiment, hein? C'est comme un mystère enveloppé dans une devinette. On va aussi entendre une autre chronique de Régis Solerie tout à l'heure sur le diable dans tous ses états. Ça va être très bon, ça aussi. C'est votre plan d'ici à la fin de l'émission. Hey, on pourrait aller écouter un peu de Vanesse Pariétaire, si tu veux, Mathieu. J'aurais envie. Laquelle? On va écouter la pièce titre de l'album du groupe de la vie, Vanesse Pariétaire. Mais, du groupe de la vie. Est-ce que t'as entendu parler un peu d'un DVD de Nine Inch Nails qui a été produit récemment? Absolument. Le chanteur, dans le fond, de Vanesse Pariétaire qui a produit ça avec des extraits de spectacle. Ouais, c'est ça. Puis nous, en tout cas, moi, j'étais au courant depuis un bout de temps qu'il travaillait là-dessus. Mais je savais pas qu'il y aurait un aussi grand engouement autour de ça. Au début, quand il l'a sorti, je pense que ça fait pas longtemps qu'il a fini son travail exactement. Au complet, là, puis qui a envoyé là, le produit final au groupe même, Nine Inch Nails. Au début, tout le monde en parlait, surtout les forums, les blogs de musique industrielle, tous les blogs dédiés à Nine Inch Nails. Tout le monde parlait de ça parce que le travail est vraiment impeccable. Mais là, ça déborde vraiment les frontières des fans de Nine Inch Nails, puis du milieu de la musique industrielle, puis de ce milieu-là. Sur le blog de Bang Bang, que tu connais sûrement, oui, que beaucoup de gens consultent, beaucoup de nos auditeurs consultent, j'en suis certain, sur la page d'accueil, allez voir. Il y a un blog sur le blog Système de son, en fait, sur le bangbang.blog. bang/blog.com, quelque chose du genre. Bangbangblog.com. Je peux te le dire, c'est bangbangblog.com, exactement. Sur la page d'accueil, sur le blog Système de son, il parle justement de ce DVD-là, puis c'est pas mentionné, puis peu de gens savent, mais c'est vraiment le chanteur de Vanesse Pariétaire, ouais. Pierre-Philippe de Chevigny-Leblanc, qui a fait ce DVD-là au complet. Puis en oui, fait, c'est juste une personne, juste pour ceux qui savent. C'est juste une personne. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais le concept, en fait, est vraiment intéressant. Il a pris, en fait, plein de bouts de films filmés sur des cellulaires puis sur des appareils photo pendant le spectacle. Il a tout rassemblé ça ensemble. C'est quelqu'un d'autre, je pense, qui a masterisé le son puis a fait un DVD avec ça. Ouais, la raison qu'il a pris des extraits comme ça, c'est que le groupe pouvait pas filmer parce que ça coûtait trop cher les droits pour avoir le droit de filmer le spectacle dans la salle où il se produisait, quelque chose du genre. C'est trop cher. Fait que là, ils ont laissé les fans enregistrer ça puis... Ouais, c'est mentionné sur le blog de Bang Bang, je crois que c'est sur le blog de, en fait, le blog de Nine Inch Nails, leur site web. Okay. À un moment donné, on fait référence à ça, puis là, ce que Pierre-Philippe disait sur Facebook, entre autres, c'est que sur Twitter, genre, des membres du groupe ont commencé à aller voir ça, puis ils disaient, hey, good job, tu sais, bravo, félicitations. Ouais. Puis après ça, sur NIN, qui est le site de NIN.com, le site de Nine Inch Nails, ils en faisaient mention aussi. En tout cas, c'est vraiment intéressant comment ça a comme vraiment pris en feu, cette affaire-là. Ça devient... Oui, c'est vraiment rendu gros, puis le travail est vraiment bien fait. Là, allez vous pouvez voir ça. Des extraits sur YouTube, d'ailleurs. Oui. Donc, allez-y, cherchez The Downward Spiral, qui est le nom de son DVD. Exactement. Puis, je ne sais pas si c'est un concept qui existait avant, de prendre des extraits comme ça, puis de faire un clip avec ça, mais j'ai entendu dire aussi qu'un groupe de Québec qui s'appelle The Spleen, je ne sais pas si tu connais The Spleen, c'est un groupe un peu, je dirais... négativement, je peux dire un peu emo, là, mais alors, non, mais, c'est du pop rock, là, je dirais, de Spleen. Eux ont demandé à leurs fans de faire ça. Je sais pas d'où ont pris l'idée, je sais pas si l'idée existait avant. Je sais pas si... C'est quand même assez nouveau comme concept. Là, on s'entend qu'on n'a pas vu énormément de vidéos, de DVD du genre, mais eux, le groupe de Spleen, ont vraiment demandé à leurs fans. Ils ont fait un spectacle, ils ont dit: venez nous voir, filmez tout ce que vous pouvez avec vos cellulaires, avec tout ce que vous voulez, puis envoyez-nous après ça vos cotes, puis on va faire un clip avec ça. Donc, il devrait avoir prochainement, là, j'espère qu'il sera diffusé pour eux, pour le concept et tout. Peut-être sur les ondes de Musique Plus, on pourra voir ça. Sinon, là, sur Internet, ça sera accessible. Là, un clip qui va être fait comme ça, mais de leur plein gré, là, que eux-mêmes ont commandé, en fait, là, à leurs fans de filmer. Donc, c'est quand même intéressant, je trouve, comme concept. Oui, absolument. C'est beaucoup de travail, après ça, faire le montage de tout ça. Oui, vraiment. Vraiment, c'est tout qu'un travail. Pour justement coordonner le son. Là. Si chaque clip dure 60 secondes ou 30 secondes sur un cellulaire, t'imagines la job qu'il y a là-dedans. Ça. Et ça, mais ça va être plus facile pour le groupe de Spleen qui, eux, ont déjà la pièce avec eux, qui ont ouais. Le son tout. Là, tandis que pour le DVD de Downward Spiral, c'est le son live. Là, donc ça, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment plus gros comme travail. Là, ouais. Bref, on va aller écouter une pièce de Vanesse Pariétaire. Bonne idée, c'est leur chanson thème à eux-mêmes. Voici Vanesse Pariétaire, de Vanesse Pariétaire, de leur album La mer était vide. Juste ça différent. À Assemblage requis. Le reste, c'est tout fun. Comme Assemblage requis, c'est une mission sur Assemblage requis parce que ça mérite un certain assemblage. Ça. Toujours qui prend ton âme. Vanesse Parietaire et la pièce Vanesse Parietaire à Assemblage requis. Oui, c'est la première heure déjà. Déjà. Mais ne vous désespérez pas, Oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a une deuxième heure tantôt avec Maxime Émilien Ramé et sa chronique Télécharge quoi. Il va nous parler de choses à écouter, à se faufiler à l'intérieur des oreilles, un peu comme la petite corde d'un dash. Quand tu mets la petite corde avec, à la manque, là. Soit l'enfer, ouais. Mais c'est comme la soie auditive. Je trouve que Maxime est plus agréable à entendre et il sent meilleur qu'une soie dentaire. Mais il goûte la mangue. Il va quand même être là tantôt. Il va avoir aussi dans la deuxième heure une autre capsule, Le diable dans tous ses états. Avec Régis Solery, qui doit goûter la mangue aussi. Probablement. Donc restez là. C'est fou, dans... Salon! C'est fou 89.1, la scène émergente. Jusqu'à 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou 89.1. J'entends les échos au salon, le chant de bataille fume, le son des clairons pleure, la lune cachée, l'amour se meurt, c'est la en fuite de Dumas, précédé de L'amour se meurt de Yann Perrault. Petit bloc à thème. Petit bloc thématique à Assemblage requis comme ça. Sympathique. Ben, t'as pas vraiment voulu, en fait, je vais t'avouer, mais bon, oui, comme un genre de thématique amour, c'est vraiment cute. Prends le crédit, K1, fais comme si c'était une idée de ta part. Ouais, c'est super romantique. T'sais. Vraiment, t'sais. Bon, donc vous êtes à Assemblage... oui, hey, Colin, Assemblage requis, connais le nom de ta propre émission, hein? Hein? K1, hein? Assemblage requis jusqu'à 17h, je me suis dit qu'on pourrait parler d'Halloween un petit peu. J'ai trouvé quelques trucs intéressants sur l'Halloween. Premièrement, si vous n'avez pas encore trouvé de costume, une très bonne façon de faire, c'est peut-être vous écrire avec un crayon feutre, mais peut-être pas qui tâche et qui reste, peut-être pas un permanent. Ceci est mon costume, alors donne-moi des bonbons. Genre juste ça, comme ça, dans, sur ton front. Et ils vous vendent un tatou temporaire sur Internet que tu peux acheter. Là, peut-être qu'il ne se rendra pas d'ici à l'Halloween. Essayez-vous. Ça coûte 3$, donc allez voir le lien que je vais placer sur assemblagerequis.com. C'est sur le site de Etsy. Ça dit à tout le monde que vous avez fait aucun effort du tout, mais au moins vous avez quelque chose. C'est pas un gros effort. Maintenant. Est-ce qu'il faut absolument être particulièrement laid pour avoir ce genre de déguisement, d'après toi? Ben, c'est sûr que ou, ça... Ou particulièrement ça beau, là, quelque chose de particulier, non? Ouais, ben peut-être que ça attire ton regard ailleurs que ce que t'as de laid ou de beau est trop attirant pour le regard. Ah, ouais, c'est vrai. Ça pourrait changer de mal de place. Ça. Ensuite, 9 costumes d'Halloween pour les chiens qui sont, disons, geek, techno, technophile. Peut-être que si vous êtes technophile, votre chien ne l'est peut-être pas. Je ne sais pas si vous parlez à votre chien, si vous avez une belle complicité et que vous savez que votre chien est geek. Mais il y a donc 9 costumes, c'est bien ça? Non, 9, oui, costumes. Le chien iPhone, donc on peut voir sur le site, sur assemblagerequis.com, sur mon lien, un chien qui porte un iPhone comme costume. Un chien qui est prêt pour la bataille, donc il y a une armure. Un autre, ça peut être un chien déguisé en USS Enterprise, comme dans Star Trek, fait en carton. Très simple, je suis sûr que vous n'avez même pas besoin d'instructions pour le savoir. Mais sinon, vous pouvez quand même vous rendre sur l'article pour avoir plus de détails. Un chien vaisseau spatial, un chien qui ressemble à un couteau suisse. Très cute, ça, vraiment, j'adore ça. Et le chien Darth Vader, qui est sûrement le summum du costume geek pour un chien. Il y a une petite vidéo que j'ai vue sur YouTube très récemment de deux gars en train de se promener comme ça. Et ils portent un iPhone eux-mêmes sur eux. Et c'est comme un vrai iPhone, donc on voit les choses bouger dessus. Je sais pas comment c'est fait, est-ce qu'il y a un projecteur, un écran de télé là-dedans, je sais pas. Mais les gars ont l'air de s'amuser et c'est super cute d'aller voir ça. Je pense pas que ça va vous donner des idées parce que c'est peut-être un petit peu trop compliqué. Pumpkin Push, est-ce que tu veux deviner le but de ce jeu d'Halloween? C'est un jeu en ligne, Pumpkin Push. Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire dans Pumpkin Push? Pousser les citrouilles. Ben, ce serait la réponse facile, mais... Et c'est la réponse. C'est vraiment ça, ouais. C'est aussi simple que ça. Le jeu s'appelle Pumpkin Push. Vous allez sur miniclip.com, chercher Pumpkin Push. C'est un clone du jeu Boulder Dash, pour ceux qui connaissent ça, mais avec des méchants style Halloween, hein, et des citrouilles à la place des pierres. Tu sais, dans Boulder Dash, c'était des pierres. Donc, un mélange entre Boulder Dash, Mega Man, Pac-Man... Vous êtes un petit bonhomme qui pousse des citrouilles. Votre objectif est de nettoyer le monde des méchants, des vampires, des fantômes, des robots citrouilles. Ils sont tous là, ils attendent de se faire taper dessus. Jeu très simple avec trois mécaniques. Vos flèches vous font bouger. Vous poussez contre une citrouille. Si vous poussez contre une seule citrouille, oui, vous sautez par-dessus. Si vous appuyez sur la barre espace, vous poussez la citrouille en ligne droite. Et c'est celle-là, cette façon-là, qui va permettre de tuer des ennemis. Ça devient difficile, ça devient rapide. Gros jeu, une bonne perte de temps pour l'après-midi qui vous fait penser à l'Halloween et qui vous fait penser à vos soirées que vous allez passer avec peut-être vos enfants à passer à l'Halloween. Super cute, super mignon. Et puis, je pense que ça va être ça ouais. Pour mes spéciaux d'Halloween. Tu sais, des costumes vraiment spéciaux, comme tu disais, celui de iPhone, là, tu sais, des espèces de costumes super extravagants qui doivent coûter cher, puis qui sont vraiment, tu sais, c'est sûr que l'effet est garanti, là, qu'un costume comme ça. Mais moi, je me rappelle, tu parlais de costumes, puis je me rappelle du costume vraiment le plus hot que j'ai vu de toute ma vie. C'est, je pense, c'est l'année passée. Est-ce que tu sais de quoi je parle, là, si je te dis un crying baby, ou je sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est une petite poupée, là, que toutes les... les petites filles... Non, c'est plus, je te dirais, les femmes baby boomers qui trippent là-dessus, de mettre ça genre dans un coin d'une pièce. C'est comme une poupée d'à peu près 3 pieds de haut, là, à peu près 1 mètre de haut, qui fait comme pleurer à côté sur un mur. avec, tu sais, comme avec les bras dans le visage. Là, qui, non, t'as jamais vu non, ça? Non, vraiment pas. Je veux pas voir ça non plus. C'est comme une espèce de tendance très, très quétaine, là, de, j'oserais dire, de bonne femme, mais bon. Tu pourrais dire de ma tante. Oui, ouais, ça serait plus poli. En mais fait. C'est pas le fun pour nos ma tante. Plus poli. Mais non, en tout cas, je sais pas s'il y en a qui savent de quoi je parle, mais en tout cas, ce genre de mode très, très quétaine. Mais en tout cas, regarde, c'est ça, c'est une poupée d'à peu près 3 pieds de haut, si ce soit un petit gars ou une petite fille, qui comme s'il était en punition dans le coin d'un mur, tu sais, qui a les bras vis-à-vis son visage, fait comme pleurer à côté sur un mur. Mais est-ce qu'il y a un effet sonore de pleurs? Non, non, vraiment pas. C'est chance. Vraiment nul, en fait. Sauf que j'ai vu la meilleure utilisation à vie de ce genre de poupée dans un déguisement d'Halloween. Quelqu'un a comme collé ça ou agrafé ça devant non, lui. Non, pas dans cette position-là. Mais avec sur une soutane de prêtre. Non! C'est malade. J'adore ça. C'était écœurant. Vraiment hot. Ah, Colin. Tellement de blagues déplacées. Ah, y en a-tu des blagues déplacées à faire l'Halloween? Ouais, on va arrêter ça, sinon on va commencer à en faire, puis ça sera pas approprié à la radio. Mais tu sais, en même temps, l'Halloween, c'est justement l'occasion pour faire ça, toutes ces choses déplacées-là, ou tu sais... Ouais. Tu peux tout faire passer sous le couvert d'un déguisement d'Halloween. Tu dis, ah, mais là, tu sais, c'est un déguisement. Là, bon, c'est une journée dans l'année. Tu peux faire n'importe quoi. C'est des choses qui me viennent, mais je vais m'empêcher. Empêche-toi. C'est ça, je me retiens. Retiens-toi. Et on va retourner en musique, Mathieu, avec We Are Wolves. Ah oui! Et pas la pièce qui est dans le palmarès, qui est Paloma. On va plutôt entendre La Rue Oblique. Tout de suite, l'assemblage requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Sur les ondes de 89.1 FM. C'est fou! Ça, c'est plus un singe qu'une affaire d'Halloween, hein, finalement. We'll be right back. On passe à la voix. C'était quoi ça? C'est Alec et les mauvaises raisons avec la pièce Le Chagrin. Ah, les feux Alec et les petits pénis. Exactement. Ils ont changé de nom parce qu'apparemment ça passait pas de temps, Alec et les petits pénis. Là. Ah, Alec et les petits pénis, j'avoue que c'est un nom de groupe qui est indémodable, mais en même temps tellement pas mentionnable plus que 5 fois. Genre, Alec et les petits pénis. Je pense que leur mère n'aimait pas ça, dire ça au party de Noël. Genre. Non, ça fait comme hey, mon fils c'est dans Alec et les petits pénis. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont changé de nom. Ils ont peut-être eu un complexe d'infériorité. Ils sont peut-être achetés un Hummer, finalement. Peut-être. Restez avec nous parce qu'après la pause, il y a Maxime Le Mulleramé et sa chronique Télécharge quoi. Oui, tantôt. Mia Pasta! Ah, qui va. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Ben oui, c'est ça qu'on appelle un thème de retour de pub. C'est un thème de retour de pub. Ben, quand il est marqué thème de retour de pub, généralement, c'est pour revenir de la pub. D'habitude, c'est à peu près ça. Je nomme mes affaires drôlement, tu trouves? Ben non, c'est super bien. D'accord. Faut expliquer peut-être là, que c'est la première fois que je fais la mise en onde de l'émission. Généralement, c'est toujours Mathieu, donc c'est pour ça que c'est aussi brouillon aujourd'hui. On l'aurait pas dit s'il n'y avait pas eu autant d'erreurs. Mais étant donné que j'ai fait plein d'erreurs comme ça, ben... Non, Kiwan, t'es magnifique, je dirais. Tu trouves? Moi, je te trouve magnifique dans ce que tu fais. Je trouve que tu fais très bien ce que tu fais. Il n'y a aucun sarcasme. Bon, ok. Je pense que c'est le moment là, d'accueillir Maxime avec sa chronique. Télécharge quoi? Tu penses? Merci, Kiwan. Salut, merci. Maxime. Je te trouve excellent, moi. Ah, tu vois, merci. On est d'accord. Puis si je veux dire, je trouve ça malade que vous soyez déguisé pour l'Halloween, genre en, même en studio. Là, je trouve ça vraiment ça cool. Fesse, hein? Ça fait Décris-nous nos costumes. Ben, premièrement, Mathieu est nu. Okay. Ça, c'est terrible. Puis Kiwan est déguisé en clown. C'est vraiment cool. En tout cas, faudrait que vous voyez ça. revenons aux choses sérieuses. Je trouve excellente la tune que vous avez faite passer de We Are Wolves, La Rue Oblique. La Rue Oblique, c'est la seule pièce francophone de l'album. Ouais. Puis, est-ce que vous l'avez mentionné qu'ils vont être là jeudi la semaine prochaine? Ben, on le dit souvent, mais c'est bon de le répéter jeudi ici à ben, Trois-Rivières. C'est ça, c'est mieux de le répéter, tu sais, d'avance pour que les gens planifient leur horreur en fonction de. C'est le spectacle avec Parler, ça. Ouais, exactement. Là, Parler, c'est-tu confirmé? Moi, j'ai entendu dire qu'il allait probablement être là. Si c'est sûr et certain, je suis pas sûr. Sur le MySpace de Parler, c'est marqué Trois-Rivières. Ah, bon, ben, parfait. Alors, Parler, je pense en deuxième partie, il y a un groupe local qui va faire la première partie. Ah, ça, c'est possible. Alors, cette semaine, écoutez, j'écoutais. Sophie Laforêt, son émission Chérie, m'écoutes-tu? Les lundis soirs à 18h. On rappelle les vendredis matin. Vendredis matin, oui. Ouais. Excellente émission en passant. Et ça faisait longtemps que je voulais faire jouer le groupe Girls. Est-ce que ça vous dit quoi, Girls? Tu nous en as déjà parlé, c'est mais ça, j'en sinon, avais déjà parlé. Hein. Puis alors là, Sophie, elle a fait jouer la pièce Lust for Life. Ouais. Excellente pièce. Mais moi, j'aime mieux la pièce Laura. Alors je me suis dit, bon, je vais faire jouer la pièce Laura. En plus de ça, ils vont être à Montréal au Il Motor le 9 novembre. Est-ce que tu connais le Il Motor? J'ai jamais été, moi, mais j'en entends souvent parler. Ces temps-ci, il y a beaucoup de bands indie qui vont au Il Motor, mais moi non plus, je suis jamais allé. Alors, groupe à découvrir et salle de spectacle à découvrir. Alors, on va écouter Girls. Leur album s'appelle Album. Ah, original quand même. Super original. Et c'est la pièce Laura. Ben, on l'aura pas cru. Je suis de ce bord-là que je fais pas de jeu de mots. Donc, on écoute ça tout de suite à Assemblage Rookie. T'es-tu sûr? Ou peut-être pas. Pas grave, ça sent bien. Donc, Maxime. Ouais. Hey, toi là, toi qui connais tant là, les affaires genre de musique puis tout là. Ouais. Tu me conseille-moi, disons une ben qu'est-ce qu'ils font? J'essaie de. Qu'est-ce que tu veux que je te conseille? Je veux que tu me conseilles un si t'avais un seul blog de musique à me dire pour que je sois vraiment au courant, un seul blog. Ben, je suis pas trop les blogs, mais je vais souvent sur des sites internet que genre vraiment souvent là. Là, je vais pas dévoiler toutes mes sources, mais je vais souvent sur Stereogum puis Pitchfork. C'est mes deux préférés aussi. Ça toi aussi? Ouais, non, je trouve que ce qui est le fun avec Stereogum, c'est les extraits MP3 qui te donnent gratuitement. Super à l'avance. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Justement, je voulais en parler pour les prochains artistes, mais aujourd'hui, vraiment par hasard, je me promenais sur Pitchfork. Peu importe. Je me trompe entre Pitchfork puis Stereogum, puis justement, j'ai trouvé une pièce d'un futur album qui va sortir comme à la fin janvier, puis je trouve ça vraiment cool. Mais il y a aussi Last FM qui est un peu, ça me fait penser un peu à l'anglophone de Bande à part. Last FM, je sais pas si ça te dit quoi un peu, Kiwan? Oui. Tu y vas souvent sur Last FM? Puis tu sais, ce que je trouve cool, c'est t'aimes un artiste, puis là, il te plug plein d'artistes similaires que tu risques probablement d'aimer. C'est toujours quelque chose qu'on aime. Puis tu peux, si t'aimes pas ça, dans le pire des cas, faire un petit genre de symbole qui dit j'aime pas ça, puis il te passera plus jamais de musique de ce style ou de ce sous-style. Ah ouais, ben tu vois, je m'y connaissais pas encore. Si là, t'aimes mais vraiment beaucoup ça, tu mets un cœur, puis il va t'en mettre plus souvent le genre de truc. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Puis c'est pas nécessairement. Tu peux chercher aussi des pièces ou un groupe que tu connais, que t'aimes, et là, dans ce groupe-là, tu peux écouter plusieurs de leurs extraits sans le mettre dans ta radio. La Stéphane qui va après ça commencer à jouer des trucs similaires. En tout cas, c'est vraiment fun. On a plugué pas mal tout qu'est-ce que je vais voir sur Internet. On a rempli du temps aussi. Ouais, on a rempli super gros de temps. C'était bien. Bon. Pas mal de ça. Vous venez de parler. Non, on va-tu écouter Girls? Fait que c'est Girls, puis la pièce s'appelle Laura. On écoute ça tout de suite à l'assemblage. Je veux dire, on l'aura pas facile. Laura. C'est Girls. La pièce s'appelle Laura et l'album s'appelle Album. Alors, facile à retenir. On l'aurait aimé. Après trois fois, Mathieu. Ça va faire, hein? Alors, puisque c'est la Saint-Valentin samedi, j'ai décidé d'y aller avec une pièce un peu soft, un peu lover, puisque dans l'âme, je suis un amoureux. Alors, ça s'appelle Beach House. Je sais pas si ça vous dit quoi, les gars. Non. Non, pas en tout. Non, du tout, mais tu m'apprends tout de même. Ben, c'est ça, c'est correct. Non, c'est correct. Alors, l'album Devotion date quand même de février 2008. À l'Halloween en février 2008. Oui, c'est ça, en février. Puis, mais pourquoi j'en discute avec vous, c'est parce que leur troisième album va sortir le 26 janvier prochain sur l'étiquette Sub Pop. Qu'on connaît avec The Shins, il y a Wolf Parade aussi sur Sub Pop, il y a plein d'autres trucs, Fleet Foxes, entre autres. Et ça va s'appeler Teen Dream. Je sais qu'il y a un extrait en quelque part sur Internet, mais puisque je ne suis pas un geek comme toi, Mathieu, je ne l'ai pas trouvé. Ça s'appelle Used to Be. C'est sur le futur album Teen Dream. Mais là, on va l'écouter Gilla de l'album Devotion. Alors, c'est Beach House, un groupe de Baltimore. T'es tellement en avance que tu finis comme par dépasser la limite puis redevenir en retard. C'est ça. C'est un cercle. Full circle. Ouais, alors, on va aller écouter Beach House avec Gilla. Ah, assemblage requis. Gilla, Gilla. Gilla. c'était Beach House avec Gilla et je voulais dédier cette pièce-là à Stéphanie, mais pour la prochaine pièce, je te la dédie à toi, Mathieu. Ah, parce que c'est toujours dans le thème Saint-Valentin. Ben, c'est là. Ça, Stéphanie, Saint-Valentin. Mais là, je voulais parler de hockey, le groupe hockey. OK, comme dans l'expression hockey. Ouais, et je sais que tu es un adepte du sport en tant que tel. Moi, je capote, là, sérieux, c'est comme je me peux plus quand je parle de ça, là, c'est... Mais hockey, ça fait longtemps qu'on les connaît et je sais pas pour toi, Kiwan, mais t'es supposé les connaître depuis un bout. Non, moi je les ai découverts avec cet album-là qu'on a reçu cette semaine. Sache que quand t'es allé à Oshiaga, ils donnaient une petite carte avec des pièces à télécharger et cette pièce-là était sur la carte. Alors, c'est là que je les ai découverts. Ouais. Tu as manqué le bateau, mais c'est pas grave. Là. L'album est sorti en fait le 28 septembre puis on vient de le recevoir ici là. Assez fou. C'est tout frais quand même. C'est tout frais et je prédis peut-être une entrée sur le palmarès. Je sais pas, non. Je vais te parler à du monde. Non, bien j'exagère. Mmh. Je m'avancerai pas là-dessus. C'est mais... là qu'on va voir en fait si ta chronique a de l'influence. Ouais, c'est assez ça. Fou. Alors, moi, ça me fait penser un peu à Passion Pit, mais notre collègue François-Olivier Marchand. François-Olivier Marchand disait que ça ressemblait à du Hot Hot Heat. Moi, je connais pas tant que ça. Et Kiwan, tu connais peut-être moins le band. Alors, tu nous le diras après si ça te fait penser à Hot Hot Heat. Moi, c'est le genre dans mon top 10 de toutes mes bandes préférées. Hot Hot, Hot, Hot Heat. Donc, je vais pouvoir te dire, ça sonne sur Tati. On parle d'un expert. Oui, ouais. Un expert. Alors, c'est ça, j'en parlais tantôt, micro fermé, mais aussi des fois, je découvre des bands en écoutant les late shows. Vous savez, David talk Letterman. Talk show de fin de soirée. Oui, c'est ça, David Letterman. Et là, il y a maintenant Jimmy Fallon. Et Hockey sont passés à, et je ne veux pas me mêler, en tout cas, à un des late shows. Okay. Et ça m'a comme fait allumer. Hey, c'est vrai, c'est bon ça. Alors, je vais en parler pendant ma chronique. Alors, une autre façon de découvrir... des bands, les late shows. Tout à fait, sont très avant-gardistes, étrangement. On s'attend du Keten. Il y en a qui jouent beaucoup de country dans les talk shows de fin de soirée. C'est ça. Mais il y en a beaucoup de très, très bons. Les recherchistes sont malades. Puis justement, pendant que j'écoutais à la télé, je trouvais que ça me faisait penser... Vous savez, les bands que le chanteur est seulement chanteur, pas guitariste, pas claviériste. Tu sais, que je trouve un vrai band de rock, là, ça me faisait penser justement à Joy Division ou à The Strokes, que le chanteur fait juste tenir le micro. Même Caféine en spectacle, je pense qu'il fait juste tenir le micro, puis ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Je trouve ça cool. On voit ça. Il danse, puis. On dirait que c'est comme plus commun avec les filles dans les groupes, souvent. Tu vois la fille qui chante, puis elle fait juste ça, alors que dans les groupes de gars, c'est souvent le gars, il faut qu'il fasse de la guitare, il faut qu'il aille niaiser sur le piano, puis après ça, il va à la batterie, tu sais, je sais pas. Ouais, mais aussi, comme une tendance qui revient avec ça, avec la venue des skinny jeans, je trouve, parce que le pantalon serré restreint un peu les mouvements à la guitare, tout ça, donc. Tu sais, si on parle entre autres de Xavier Caféine. Là. Ouais. C'est un peu trop serré. C'est la tendance que j'avais remarqué. Tu sais. Plus le vêtement est serré, moins le chanteur va être multi-instrumentiste. Mais plus il va chanter aigu. C'est des choses que j'avais pas remarqué. Je te remercie pour ces observations. Ça me fait plaisir. Mais tu veux, t'as parlé de Strokes, puis moi j'ai écouté un peu là, de hockey cette semaine. Ça me faisait penser à ça, moi. Ouais. OK. Ouais. C'est basic comme observation, là, mais bon. C'est facile là, de dire que ça ressemble à tout. On dirait que tout ressemble un peu aux Strokes, là, mais bon. Alors, on va aller écouter Too Fake de l'album Mind Chaos, qui est le premier album de Hockey. Vous êtes dans le bloc Télécharge quoi? À la merveilleuse émission Assemblage Requis. Licheux, les gars. Oh, c'est bon, je dirais plus ça. Non, c'est bien. I go for 'cause I'm doing the same thing to you. That's right, even right now. Oh, just wait up for me if you want to, but look out now. Alors, c'était Too Fake du groupe Hockey, comme le hockey là, des Canadiens. Alors, l'album Mind of Chaos. Non, juste Mind Chaos. Mind Chaos. Comme tout. Les Canadiens, tu dis, hein, c'est ça? Oui, comme les Canadiens. Okay. Alors, je vous laisse, les gars, c'était bien plaisant. Je pense qu'on va en réentendre du hockey pour vrai. Ouais, là, c'est cool. Ta prédiction à propos du palmarès, ça pourrait bien se révéler. Ben, c'est ça. Hein. Je pense qu'on va faire rejouer de tous les groupes que tu nous présentes parce que c'est toujours super bon. Puis cool. On devrait les garder et les faire jouer, mot à dire. Cool, cool, cool. Puis c'est ça, la semaine prochaine, je risque de vous parler de Coconut Records, quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, que je voulais peut-être faire passer aujourd'hui, mais que, tu sais, trois pièces, il faut les sélectionner adéquatement. Absolument. Et aussi le fait que l'émission est terminée. On n'a plus de temps, donc merci beaucoup. Merci à vous. Maxime Lemieux, Laramé, comme on t'appelle, si c'est ton vrai nom. Parce que là, tu sais, si c'est à Saint-Valentin en fin de semaine, peut-être que tu t'appelles Martin. On sait pas. Peut-être. Tu m'en parles tout le temps. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Ou avant, peut-être. Peut-être. Bye. Donc, c'est déjà la fin de l'émission? Oui, c'est terminé. C'est la fin de la semaine aussi. Hein. On est jeudi, donc on se quitte ici à 17h presque. On va être de retour lundi prochain à partir de 15h avec la chronique politique de François Landry. On va aussi avoir les petites mythologies de Martin Bertrand, donc soyez à l'écoute. Il va y avoir les palmarès si fous demain soir. Moi, je vais être là. Je continue la semaine. Moi, c'est pas fini pour moi. Là. Oui, puis demain, tu vas terminer, dans le fond, la série de Le Diable dans tous ses états de Régis Solery qu'on n'a pas pu terminer aujourd'hui. Donc, demain, les trois derniers épisodes, ça se finit demain dans les palmarès. C'est à syntoniser. Ça va être une soirée lugubre. Restez sur nos ondes parce qu'à partir de 17h, c'est les Pains Bêches en mission. Ensuite, il y a la spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. Puis il y a Sky Punk Up tard en soirée, donc plein de belles choses sur les ondes de C'est Fou. Parfait. Ben, bonne soirée, Mathieu. Ben toi aussi et bonne fin de semaine vu que les auditeurs te réentendront pas à C'est Fou. Donc, À lundi. À lundi. Bye. Bye.